Non? Tout le monde sait à peu près ce que c'est? Bon, pour le dire vite fait, Extinction Rébellion, c'est un groupe écologiste qui s'est monté fin 2018 au Royaume-Uni et dont il y a des groupes qui se sont installés ensuite au niveau international, notamment donc en France en mars là, 2019, et qui ont décidé cette semaine, là, c'est la fin de la semaine, de faire une semaine d'action écologique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y a eu là, je parle juste à Paris. Hein, après, vous pourrez parler des autres pays sans problème. Il y a eu Italie, le centre commun qui a été en partie occupé de samedi soir à dimanche, justement pour protester contre la consommation de masse et l'utilisation des centres commerciaux sans savoir d'où viennent les produits, etc., etc. Il y a eu l'occupation de la place du Châtelet pendant quasiment toute la semaine. Pour pareil des revendications écologiques et puis une des alors les quatre revendications de Extinction Rébellion, s'il y en a qui les connaissent par cœur, c'est pas mal. Moi, j'en connais quelques-unes, notamment que la dîme prioritaire pour le gouvernement. Ouais, tu les connais, d'accord? Tu les connais sinon? Vas-y, bah, attends, il les connaît. Ils veulent que l'État déclare un état d'urgence. Ils veulent. Oh, en fait, j'en connais que juste deux. Et ils veulent la constitution d'assemblées citoyennes décisionnaires pour une transition écologique. Ça, c'est participatif, hein. Alors, en 1, reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. En 2, réduction immédiate des gaz à effet de serre, neutralité carbone en 2025. En 3, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques. Ouais. Alors, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres est à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Et en 4, la création d'une assemblée citoyenne chargée de mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garantie et garante d'une transition juste et équitable. Voilà, donc bon, c'est pas pour de... c'est juste pour vous présenter le ce qu'a fait enfin voilà les quatre objectifs d'extinction qui ont fait plusieurs enfin occupations et blocages dans la semaine. Et là, voilà, on peut ouvrir aussi le débat parce qu'on partait sur tout à l'heure l'incendie à l'usine de Lubrizol. Et donc, mise à ce qui crame partout et qui fait prendre conscience aux personnes que la pollution, elle est massive et permanente. Sinon, voilà, j'ouvre le débat sur quels moyens on peut mettre en place pour aller justement vers un environnement moins pollué, vers une dépollution, vers ce qui serait plus écologique. Et voilà, j'ouvre. Oui. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Le but, c'est que plus on participe, plus on avance sur le sujet. Moi, j'y crois. C'est arrêter les voitures au pétrole. Finir, interdire le pétrole. On a trouvé l'hybride, les voitures électroniques. C'est déjà pas mal. Arrêter le. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir là-dessus, sur la voiture hybride? Non, arrêter le pétrole, c'est parfait. Il y a un slogan qui est Keep it, laissez-le dans le sol. Effectivement, si on décidait de ne plus utiliser de pétrole, ça serait un grand pas en avant. Parce qu'à chaque fois qu'on utilise du pétrole, soit c'est du plastique, soit c'est des gaz carboniques, soit c'est tout un tas de pensées. En fait, notre croissance est indexée sur le pétrole. Donc, arrêter le pétrole, ça aurait des conséquences extraordinaires sur nos modes de vie. Et moi, ça me paraît être une bonne chose. Par contre, sur le remplacer par la voiture électrique, entre nous qui peuvent le dire, c'est déplacer la pollution, parce que c'est ce qu'on appelle la pollution grise. C'est-à-dire que, j'en parlais tout à l'heure, c'est la pollution pour faire la voiture. Elle est ailleurs, elle n'est pas sous ton nez, mais elle est quand même là. Donc le bilan global, c'est quand même une pollution, c'est juste pas sous ton nez. Donc c'est une fausse bonne solution. Et là, en lisant les quatre recommandations de Extinction Rébellion, je constate que dans la quatrième, il y a cette espèce de... On va aller vers une transition juste et durable. Alors la notion de comment on passe d'un monde qui pollue à un monde qui, en transition, pollue de moins en moins, j'avoue que ça me rend à chaque fois perplexe, parce que soit on peut continuer du pétrole et continuer à être dans un monde de croissance, soit on arrête ce monde de croissance. Mais je ne pense pas qu'il y a une possibilité intermédiaire. En tout cas, moi, j'aimerais bien que des gens s'expliquent là-dessus. On ne peut pas à la fois être en croissance, faire de nouveaux produits, extraire des ressources et arrêter de polluer. Donc, il n'y a pas de transition écologique possible. D'accord. Parlons de décroissance, arrêter les voitures, ok, mais on fait quoi? On demande au gouvernement, on fait une insurrection armée, on met ça en place en bas de chez soi en espérant que les autres y fassent comme nous. On fait comment? C'est toujours le même problème, c'est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, elle vient kiffer à Ménilmontant, à Belleville, se dézinguer, s'encanailler, faire du bordel, etc. Et voilà, faire du SUV, faire de la pollution. Voilà, la bourgeoisie, rien ne l'étonne. Et mon combat, c'est la bourgeoisie. Et je suis royaliste et je déteste la bourgeoisie. Ok, donc je repose la question. Comment vous... Donc là, on était sur la question... Alors, ce serait bien que tu expliques un petit peu après en quoi tu penses que la bourgeoisie nous empêche de devenir éco... Ça peut être une question assez intéressante. Donc, à voir. Et... Monsieur, vous vouliez parler? Non? D'accord. Ah, monsieur, oui, allez-y. Je vous dis qu'une chose... C'est logique, il faut qu'on commence par nous. Tout le monde le sait. Donc, qu'on commence à bien regarder notre propre nature humaine. Parce que nous, les humains, on est chacun là. Donc, c'est vraiment, on doit se pencher sur lui, et après, ça va le faire. C'est tout. C'est pas... Et alors, d'après vous, comment est-ce qu'on fait pour que chacun se penche dessus? Est-ce que vous pensez qu'on a tous les mêmes armes pour venir se pencher sur nous-mêmes? Qu'on est tous dans les mêmes situations qui nous tendent cet espace psychique, j'ai envie de dire, pour le faire? Ou est-ce que il va pas falloir être un petit peu aidé? Il va pas falloir que d'autres nous donnent un petit peu des clés pour le faire? Et comment? Comment? Il y en a qui attendent. Il y en a qui attendent. Donc des gens comme nous là vont arriver. Vous êtes déjà là, vous apportez des petits plus par-ci, par-là. Et bien déjà, ça commence à leur faire comprendre qu'on prend conscience. Et donc, nous, je dis nous parce que les autres, comme tu as bien dit, certains n'ont pas le temps, ils se sont mis dans la merde. Ils se sont mis dans la merde jusqu'au cou. Donc, c'est hyper dur pour eux d'en sortir. Ben ouais. Mais pendant ce temps-là, comme je dis toujours à des amis, ils font des chaises pour nous, ils font des vêtements pour nous. Ah, ils participent pour qu'on puisse quand même vivre. Mais seulement après vivre maintenant mieux, il faut qu'on prenne conscience. Et donc pour ceux qui ont commencé à prendre conscience, on va commencer à leur dire comment on fait là. Et puis après, ça va le faire. Essayez d'agir là-dessus. Qu'il faut que ça passe par le fait que les personnes prennent conscience. Parce qu'il y en a plein qui peuvent considérer que c'est pas du tout la bonne méthode. Hein, que il va falloir, par exemple... Je vous donne d'autres exemples. Ah, oui. Alors, ouais. Comment on fait, considérant qu'on n'est pas tous au même stade, ouais, de conscientisation, ni au même niveau, point de vue ressources et... pouvoir politique, je dirais. Parce que, du coup, Extinction Rebellion a fait cette semaine de désobéissance, a fait des blocages et tout. Le qui était à côté de moi me rappelait que Hidalgo la maire de Paris avait dit que c'était légitime de faire ce genre d'action de désobéissance civile pour le climat. Néanmoins, il n'y a rien qui change. Elle n'est pas en train d'implémenter d'autres, des politiques écologiques. Et sur Paris, la majorité des projets de bétonisation et d'industrialisation des terres agricoles et des zones vertes se font dans le Grand Paris où justement la maire Hidalgo n'a pas la juridiction. Attends une seconde. Et du coup, on est un peu sans pouvoir là-dessus. À part si on se tient ensemble à rejoindre des collectifs, à s'organiser entre quartiers pour résister, par exemple, à je sais pas quelle est cette merde juste à côté. Et je veux dire, ça passe par des gens conscientisés qui vont parler avec des gens qui sont peut-être un peu moins conscientisés, mais chance de quoi aussi de notre pouvoir collectif. Du fait que quand on est ensemble et qu'on discute en assemblée ou juste en petite réunion et qu'on se décide d'agir sur des petits trucs locaux, on peut peut-être arriver à transformer au moins les zones autour de nous. Donc je répète, le débat est ouvert. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, plus on est nombreux à participer, plus ça va nous permettre d'avancer. Quand vous êtes prêt à prendre la parole, vous me faites un signe et je vous passe le micro. Alors, il avait juste demandé avant et après, je te le passe. Moi, je suis super content de participer au débat participatif citoyen parce que c'est ça qui est question. Et voilà, c'est très populaire, à la fois populaire et à la fois démocratique. De participer au débat populaire citoyen démocratique. Ça fait chier. Et bourgeois, et vous allez dire, j'ai une haine contre les bourgeois. C'est faux. J'adore les bourgeois. Mais franchement, ce que je voulais dire, on est au débat participatif. S'il existe aujourd'hui des gens qui vont à Châtelet-Léal, qui vont à l'Assemblée nationale se faire déloger, se faire gazer, se faire poivrer à la bombe lacrymogène, parce que les médias ils disent poivrer, mais c'est de la bombe lacrymogène, ça fait super mal, c'est terrible, etc. Ces gens-là, ils ont raison de dire le climat, c'est trop. Aujourd'hui, c'est trop. Aujourd'hui, c'est vraiment trop, et ces gens-là sont avertis, sont renseignés. C'est des gens qui ont bac plus 6, bac plus 7, bac plus 9, et ils savent de quoi ils parlent. Et voilà. Donc, pour vous dire, moi, j'ai pas ça. J'ai qu'un bac plus 2. Et ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Voilà, et je laisse à mon collègue de gauche. Moi, je dis tout simplement que depuis la naissance du monde, c'est la religion qui contrôle le monde. Elle s'est divisée, certes, mais un esprit est tout le temps envers la religion, un respect. Voilà. Donc, il faudrait qu'on appelle aux religieux, comme les guerres, c'est pas n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. C'est, comment dire, faire appel aux religieux pour être avec vous, franchement. Parce que, une chose qui est sûre, c'est que les mormons ils sont avec vous. Les mormons, ils vivent honnêtement, quoi. Et ils n'utilisent pas de voiture. Et donc, la religion, c'est la première éducation de l'homme. L'homme a eu pour la première éducation la religion. Faut qu'il revienne. Merci. Alors, sur la question de La religion, je pense qu'on est beaucoup à ne pas croire en Dieu. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Passer par la notion pour venir appeler à un mouvement justement écologiste, je pense que ça pourra en rebuter beaucoup. Après, la question écologique n'est pas forcément anti-spirituelle ni anti-religieuse. Elle peut aller avec, mais de passer par ce biais-là pour aller en récupérer d'autres... Moi, voilà, je donne mon avis personnel et je pense que c'est un peu juste. Et je voulais réagir aussi sur autre chose qui a été dit avant. Non, les militants d'Extinction Rébellion n'ont pas bac plus climat. C'est des personnes pas du tout forcément des têtes. C'est on en a discuté avec plein. C'est des personnes qui se sont par exemple renseignées il y a pas très longtemps sur ce qui se passait. Et à ce moment-là, on était voir des choses sur Internet. On discutait avec d'autres qui militaient depuis plus longtemps. Et puis petit à petit, avec ça, ils se sont prendre ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on a cette chance-là quand même actuellement, que ce soit par les débats qui sont ouverts comme ici, que ce soit par Internet ou par d'autres choses, de pouvoir se renseigner assez vite en vérifiant ses sources pour comprendre ce qui dysfonctionne. Et de façon locale, nationale, internationale. Il n'y a pas pour ça besoin pour ça d'être un expert. Là où je reviens sur ce qu'on disait au début, parce qu'il n'y a pas que les experts qui doivent nous expliquer ce qu'on doit faire. C'est aussi d'une certaine façon les grands scientifiques qui nous ont amenés à faire la révolution industrielle et à développer de plus en plus pollué. Donc, et ça me rappelle un débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps. La science n'est pas neutre. C'est un outil. Donc on peut l'utiliser dans un bon sens comme dans un mauvais sens. De la même façon que l'expertise, elle peut être utilisée, et l'expertise pour pousser vers un côté, pour dire par exemple qu'à Lubrisol, il n'y a pas de problème, que tout va bien, ou elle peut être aussi utilisée pour montrer qu'il y a des gros soucis écologiques. Voilà, donc c'était juste pour... Mais après, ce que je dis n'est pas non-tise, donc vous pouvez me contredire. Voilà. Le but, c'est qu'on débatte ensemble. Et je dis, les livres sont gratuits et disponibles, hein, donc vous pouvez vous servir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors je vous rappelle qu'on était un peu parti sur le débat là par rapport aux catastrophes écologiques qui se passent autour de nous, et la pollution quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'adresser à l'Extinction Rébellion en faisant des blocages pour interpeller les gens et demander à l'État de changer les choses? Est-ce que vous pensez, comme l'a dit un monsieur qui est passé tout à l'heure, que ça doit d'abord passer par le changement individuel? Voilà. Est-ce que vous pensez d'autres choses? N'hésitez pas à intervenir, même si vous êtes loin, je peux amener le micro jusqu'à vous. Pas encore la religion. Ou encore la religion. Ok. Moi, ce que j'y crois, comme vous êtes chaud, pour faire la rébellion, il faut un coup d'État. Franchement. Faut plus de fois une main ferme, vous comprenez, pour se faire entendre. Donc c'est quelqu'un de l'État qui a du poids. Sinon, vous laisserons dans la merde. Faut un coup d'État. Faut que vous appreniez l'espionnage. Faut que vous entrez. En espion dans l'État et après vous faites découvrir. C'est un long chemin. Ce qu'on mène, c'est un long chemin. On vous remercie, monsieur. Très franchement. Et c'est un débat participatif. Tout le monde parle et c'est un débat participatif. Effectivement, le monsieur, il a parlé. Il a exprimé son opinion qui est sincère et qui est absolument maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? On fait rien. Donc, on fait semblant que rien n'existe et qu'il y a 10 000 ans de saloperies qui nous attendent et on fait rien. Donc, on fait rien. Monsieur, on fait rien. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, les gamins, ils nous disent, si vous coupez tout, Aujourd'hui, il faut 10 000 ans pour que l'air redevienne pur. C'est un truc de malade, mental. C'est-à-dire, c'est un truc de psychiatrique. Il faut 10 000 ans pour que l'air redevienne pur. Dans tout le monde. C'est pas Paris, c'est pas la France, c'est tout le monde. Que font les bourgeois ? Allez-y, madame, excusez-moi, et je sais que vous allez dire, j'en ai sur les bourgeois, qui ont de actuel. Et donc, madame, je vous rends le micro, puisque c'est un débat participatif qui... Voilà. Merci. Merci. Non, c'était juste pour dire que je fais la modération. Vous êtes d'accord, c'est... Je vous donne le micro, c'est juste pour que chacun puisse parler et que ça ne s'accapare pas sur un dialogue, par exemple, entre deux personnes ou autre. Donc là, on a entendu votre proposition qui était qu'il faut passer par un coup d'État et notamment par une main frappée. Certains qui parlent de dictature écologique, notamment. Enfin, voilà, vous avez dit une main forte au niveau de l'État. C'est pas ce que vous avez dit. Une main forte, on va prendre ça comme s'occupation. Moi, je suis un petit-fils de maquisard. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous, dans vos gènes, dans votre esprit, vous dites, voilà, je suis un maquisard. Je m'infiltre. Et après, dès que je suis dans un niveau, on va dire comme un échiquier, un pion qui est quelque chose, bah, je me fais découvrir. Mais pour l'écologie. Et franchement, vous aurez le peuple avec vous. Que ce soit dans la religion, dans tout ça, vous aurez le peuple avec vous. Ok ? D'accord, donc c'était pas tout à fait ce que j'avais dit. Tu souhaitais réagir ? Ouais. Sur l'idée de la prise de conscience, tout à l'heure un intervenant qui trouvait que justement le fait de discuter, de parler, c'est une bonne manière en fait de reprendre le problème à la racine. Et puis, à propos d'écologie aussi, en fait, je trouve intéressant cette prise de conscience, par exemple, la considérer par rapport au peuple premier, c'est-à-dire les vieilles traditions comme les aborigènes d'Australie, les Amérindiens d'Amazonie, en Afrique, ou ça peut être des chasseurs-cueilleurs en Asie du Sud-Est. Ils avaient un mode de vie, finalement, qui est... Ils sont très peu aujourd'hui sur la planète, je pense qu'ils doivent être quelques millions. Ils avaient un mode de vie qui était en équilibre avec leur environnement. Pourtant, ouvert, on les a considérés comme des primitifs, comme des sauvages, comme des pas civilisés. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que le regard s'inverse. C'est-à-dire qu'un peu partout sur la planète, il y a des peuples premiers qui se retrouvent à revendiquer leur droit de continuer leur mode de vie là où ils se trouvent. Et ça devient problématique parce qu'en fait, les endroits où il y a de la nature... ...aux parents. Tu vas venir nous parler. Donc on va faire le même format que tout à l'heure. Il va parler, après il y aura des questions, vos questions. Il va nous présenter le dernier livre de Damasio qui s'appelle... C'est Les Furies, donc le livre Les Furies de Alain Damasio. Les Furtifs, pardon. D'Alain Damasio. Et je te laisse, Bastien, prendre la parole et faire ton interview.